En Corée, à l'occasion de la journée de la victoire dans la guerre de libération de la patrie, les militaires et civils coréens visitent sans cesse la salle de réunion de l'accord d'armistice et la salle de signature de l'accord d'armistice à Panmunjom. Cette année, plus de 21 400 Coréens et étrangers, notamment les militaires de l'armée populaire, les étudiants et les ouvriers de l'université Kim Il-sung, de la fabrique de fils électriques 326 de Pyongyang, de l'université Songyungan Kyugoryo, du Collège des langues étrangères de Nampo et la délégation du Forum allemand anti-impérialiste, ainsi que les compatriotes d'outre-mer, ont visité Panmunjom.